qui me colle à la peau. C'est un deck, si tu parles mal, je te ferai la peau. Vas-y, vas-y, tape ton putain de torso. L'indépendance m'a bercé depuis le berceau. Plante ta plaquette dans l'endroit le plus discret. Autour de toi, trop de chacals qui veulent te soulever. Je pèse la loi dans tous ses degrés. Je pèse mes grés en faisant rentrer de 200 immigrés. Range tes paraphes, car aujourd'hui c'est pas ça qui nous effraie. J'porte un chapeau à celui qui te les a fait. C'est pour les reseux qui se préservent des pervers que qui cherchent un mec mieux. Car ici bas c'est pas les yeux, et celle d'en bas ça sera pas la vie d'une femme heureuse. ZZRF Morsai, toi-même tu sais frérot, on a les gros depuis très tôt. On a le sang chaud, même quand dans nos vies y'a pas de te plaire pro. Rions de la galère, ZZRF Morsai. Le son du terre-terre volume 3. Bébé pèse tous les feux que du 9-5 jusqu'au 9-3. Merci à tous ceux qui portent rions de la galère. Les jaloux et les envieux, allez tous niquer vos mères. Morsai, ZZRF, toujours déter sur le son du terre-terre. On va déclarer la guerre. C'est les fachos à quatre pattes c'est PD. Morsai, ZZRF, toujours excité. Quand y'a un facho, on veut tous se le baiser. Sans s'arrêter, fusil à pompe, l'épaule cassée. Vive dans la violence, vive dans l'amour. Vive dans la haine, ou vive dans la peur. Vive dans la souffrance, ou vive dans la joie. Vive dans la prison, ou vive dans la pauvreté. Vive dans la richesse, vive dans la maladie. Vive dans le vol, l'arnaque et le business. Vive avec une putain, vive avec une femme bien. Vive avec la faim et avec un putain de gros choix. Quand t'écouteras le morceau, tu diras vive Morsai, vive ZZRF. Et à tes crèves, pas si tu nous aimes pas. Que des michetonneuses autour de Champs-Élysées. Deux PD en train de s'embrasser à l'Élysée. Je suis choqué quand je vois un pédophile en liberté et un braqueur qui a pris perpétuité. Choquer la France, on va le faire. Ramener que des deux plémanes, nique sa mère. Morsai, ZZRF, c'est vive la puissance. Remix la violence, dédicace à mes truands. Vive dans la cocaïne, vive dans l'alcool. Vivre un accident et finir en chaise roulante. Dieu te donne la vie et te la retire quand il veut. Et si tu me crois pas, tu seras dans la merde, mon vieux.